Les disparus de Bavourlan. Une fiction de Romain Weber et Laurence Courtois. Épisode 6. La poularde au vin jaune. Notre Père qui es aux cieux, accueille ici-bas les corps d'une femme et d'un homme qui ont vécu de ton amour. Reçois dans ton royaume les âmes innocentes de deux de tes enfants qui ont injustement souffert. C'est qui, ton père ? Les amoureux de Clairlieu, monsieur Ribaudier. Je ne connais pas. Il y en a qui disent que c'est les Varodes. Ça vous dit quelque chose ? Les Varodes ? Ils ont disparu quand vous étiez maire, il y a 45 ans. De toute façon, mon père, on était de la poussière, on redeviendra de la poussière. Alors, franchement, c'est quoi qu'on a perdu ? Je sais pas, monsieur Ribaudier. Eh ben, rien. On n'a rien perdu. Eh oh, le gros ! Tu cries trop fort, tu vas réveiller maman. Elle est morte, maman. Demeurez, va. Bonjour, le grand. Excusez, mon frère. Il fait pas exprès de crier fort. Alors que maman et papa, ils disent que dans un cimetière, il faut faire le roi du silence. On parle, il n'y a pas de mal. T'entends ? Et puis tu devrais t'en foutre parce que maman et papa, ils t'ont jamais aimé. T'es pas gentil avec moi. Je passe vous voir tout à l'heure, le gros. Ce sera plus commode. Prenez une belle poularde, plumée et vidée. Attachez-lui les cuisses, ligotez-lui les ailes, elle ne doit pas s'échapper. Mettez la poularde dans une casserole et recouvrez-la de crème et de vin jaune. Puis, faites cuire à feu doux pendant 4 heures. Et la volaille, solidement attachée et impitoyablement noyée, fera un délicieux déjeuner du dimanche. Je m'appelle André Rose. Nous sommes le 22 août 2019. Je suis le curé d'un village qui cuisine à merveille la poularde au vin jaune. Bonjour, monsieur Rose. Monsieur Broyard. Ainsi donc, repose ici Jane et Abel Varotte. Il paraît. Va-t-on au moins graver leur nom sur leur tombe ? On n'a pas la preuve que ce sont bien eux. Bon, alors mentons-nous à nous-mêmes et faisons comme si nous nous recueillions sur la tombe d'illustres inconnus. Ah, et puis non. Je voudrais vous parler, monsieur Rose, d'une femme et d'un homme dont les cœurs devraient encore battre, mais qui demeurent aujourd'hui sous nos pieds. J'ai connu Jane et Abel Varotte, c'étaient des amis. Abel était ingénieur sur le barrage. Il venait de Lyon et il est venu habiter Vourlan. Un Lyonnais qui construit le barrage, vous imaginez l'accueil que Vourlan lui a fait ? Mais qui au juste est bien reçu ici ? C'est vrai que ça n'a pas été si simple quand je suis arrivé. À Vourlan, il y a toujours une bonne raison pour mériter un accueil exécrable. Et Jane. Jane. Tous les hommes en étaient amoureux. Je l'ai été, moi aussi. Follement. C'était une femme libre. Heureuse. C'est comme ça, disait-on, qu'étaient les femmes de San Francisco. Et Jane venait de San Francisco. Mais à Vourlan, il ne fait pas bon être trop belle, trop libre et trop heureuse. Car c'est tout le contraire des femmes qui vivent ici. Cela fait naître de la jalousie. Nous nous trouvons devant les tombes de deux personnes irremplaçables, monsieur Rose. Mais les cimetières ne sont-ils pas remplis de gens irremplaçables ? Et leurs parents ? Abel était orphelin. Et Jane avait coupé les ponts avec les États-Unis. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé avec ses parents ? Moi, elle en parlait peu. Mais c'était une femme très libérée. Une hippie, disait-on. Dans une famille qui ne l'était pas du tout. Et une famille antisémite, qui plus est. Alors quand elle s'est fiancée à un certain Abel Varotte... Où est-ce qu'ils se sont rencontrés ? En Californie. Abel y a passé un moment, je crois me souvenir que c'était pour ses études. Qu'avez-vous pensé de la lettre que je vous ai laissée ? Le corbeau de Vourlan. C'est sa première. Il vous en a envoyé d'autres ? Il ? Non. Non. Elle. Elle, monsieur Ross. Qui est ? Cette femme dont je vous parle. Trop libre, trop belle. Jeanne Varrod ? On n'a jamais vu aussi magnifique corbeau, monsieur Rose. Jeanne Varrod, c'était elle, le corbeau ? Mais qu'est-ce qui peut vous faire dire ça ? De tous les habitants de Vourlan, une seule personne n'a pas reçu de lettre. Elle ? Elle en a payé le prix fort. Et comment sait-on qu'elle n'en a pas reçu ? Les lettres n'étaient pas envoyées par la poste. Elles étaient déposées, dehors. Tous les habitants de Vourlan en ont reçu. À Belle Varrod compris. Tous, sauf Jeanne Varrod. Mais c'était la meilleure façon de se démasquer, de ne pas s'envoyer de lettres. Avez-vous remarqué la date ? Août 25, oui. De mauvaises habitudes américaines. De San Francisco, peut-être. N'importe qui aurait pu écrire ça pour l'accuser. Ça semble si mal correspondre au portrait que vous en faites. J'ai moi aussi du mal à le croire, mon père. Ces lettres sont tellement affreuses. Mais l'amour ne me rend certainement pas objectif. Mais enfin, il faut plutôt chercher qui lui en voulait. Il faut s'imaginer ce qu'était la vie à Vourlan à l'époque. Un village replié sur lui-même, meurtri par un barrage qu'il rayait de la carte. Un maire jeune, ambitieux, habité par le profit personnel. Des habitants pauvres et à l'esprit peu ouvert, je le sais. C'était comme eux. L'hostilité de tout un village peut vous mener à faire des choses insensées. Vous avez peut-être raison. Je suis bien placé pour savoir que les gens sont plus complexes que ce qu'ils donnent à voir. Mais qu'elles soient coupables ou innocentes, de toute façon, rien n'excuse ceux qui lui ont infligé une mort aussi terrible. Dites-moi, a-t-on pris soin de retirer les chaînes de leur maison ? J'imagine que oui. Avec 45 ans de retard. Enfin, passez une merveilleuse journée, monsieur Rose. Tu m'avais dit qu'il était pas là, ton grand-père. Bah normalement, il est pas là. Pourquoi je m'emmerde à passer par la fenêtre du grenier, alors ? Parce qu'on sait jamais. Mais je vais enlever cette latte, là. Regarde. Comme ça, s'il se passe un truc en bas, on entendra tout comme si on y était. Allez, viens. C'est dans la malle, là-bas. Une chaleur ici. 36 degrés à l'extérieur. Alors sous le toit, on doit être au-dessus de 40. Bon, au boulot. Pas ça. Pas ça. Tu te souviens de la gueule de ce truc ? Ouais, des grandes capitales avec une écriture chelou. Surtout un max de journaux. Attends, regarde, c'est les Varrod. Ah ouais. Abel Varrod, 33 ans, est ingénieur sur le barrage de Vourlan. Avec sa femme Jeanne, à droite sur la photo, ils habitent le village pour être au plus près des travaux. 27 octobre 1974. C'est moins d'un mois avant le déménagement. Les habitants de Vourlan ne nous voyaient pas d'un très bon œil au début, dit-il, mais je travaille tous les jours à expliquer qu'on prépare l'avenir de leurs enfants. Et des nôtres aussi, qui sait, ajoute sa femme avec un accent américain et un sourire complice. Ils avaient des enfants, les Varrod ? Elle est tellement belle. Il devait pas y en avoir beaucoup des grandes blondes comme ça à Vourlan. Les gays devaient sacrément la mater. Oh, là ! C'est la lettre du corbeau. À Ahmed Majoubi, le profiteur. Il n'y a que toi pour te réjouir du maudit barrage. Il est bien pour tes affaires, électricien minable, mais il te donnera le malheur. Août 30, 1973, Corbeau. Août 30. C'est trop bizarre. Il m'avait dit qu'il en avait reçu aussi. C'est une photo de ta grand-mère accrochée là ? Ouais. Elle a l'air toute fragile comme ça. Dis-toi. Elle a pas l'air heureuse surtout. Je sais pas si elle l'était. Elle a eu une histoire difficile. Elle était italienne, c'est ça ? Ouais. Et tu sais si ça se passait bien avec ton grand-père ? Il est tellement pas commode. J'en sais rien. Il avait l'air de l'aimer. Mais qu'est-ce que j'en sais ? Il y a peut-être la date au dos. Attends. T'avais remarqué ça ? Quoi ? Ça fait un bruit bizarre. C'est creux. Il y a un truc. Comme un faux plafond. Dans la malle. Aide-moi. Il y a une lettre. Pareil que les autres. Qu'est-ce que c'est que ça ? Arita Majubi, la tueuse d'enfants. C'est la lettre qu'a reçue ta grand-mère. La tueuse d'enfants ? Je t'ai vu faire la plus horrible des choses. Tu as tué dans ton bidon un enfant qui n'était pas de ton mari. Demandez l'américaine si je mens. C'est elle qui a fait ça, et c'est pas la première fois. Malheur sur toi, malheur sur ton mari trompé. Novembre 19, 1974, Corbeau. C'est horrible. 2 jours avant sa mort, c'est tellement atroce. Tu crois que c'est vrai cette histoire d'avortement ? Et de mari trompé, aucune idée. Toutes ces histoires que ça fait ressortir. Mais que ce soit vrai ou pas, le problème, c'est l'humiliation. Souviens-toi de ce que disait la journaliste. Ouais. Les lettres étaient posées dans la rue et sur les rebords des fenêtres. Donc tout le village l'a lu, celle-là. Pauvre Rita. C'est ça qui a tué ma grand-mère. Il le sait, ton père ? Je crois pas. Il avait 1 an. Mais l'américaine, c'est Jane Varrod. Si c'est elle qui envoie ça, pourquoi elle s'accuse elle-même d'être une avorteuse ? Ça a pas de sens. Ben si, elle a écrit des trucs sur elle aussi. Sinon, elle était grillée tout de suite. Ça la disculpe pas. Mais si c'est le corbeau et qu'elle sait rien envoyer à elle, pourquoi elle parle quand même d'elle dans les lettres ? Je sais pas. Elle tient pas cette histoire. Ouais, mais bon, elle a sûrement pas fini au fond du lac pour rien. Dans le lac de Clairlieu, il vivait 2 amoureux. Des noires profondeurs, ils chantent leur malheur. Tu crois que ça veut dire que... Les amoureux de Clairlieu, ils aimaient bien chanter. N'approche pas passant de ces drôles d'oiseaux. Et les drôles d'oiseaux, c'est les corbeaux. Donc les amoureux de Clairlieu, c'est les corbeaux. Si leur chant tu entends, tu finiras dans l'eau. Il valait mieux pas les entendre. Pauvre Rita. Dans le lac de Clairieux, il vivait 2 amoureux. Des noirs aux profondeurs, et ils chantent leur malheur. N'approche pas, passant, de ces drôles d'oiseaux. Si leur chant tu entends, tu finiras dans l'eau. C'est qui est là ? C'est moi, monsieur Rivaudier. C'est André Rose. Ah, mon père ! Quel bonheur ! J'apporte un morceau de morbier. Ça vous intéresse de le partager avec moi ? Oh oui ! Entrez ! Mon logis, c'est votre logis. Il doit me rester du pain dur. Et le morbier, c'est trop mou pour qu'on le mange avec du pain mou. Dites, c'est qui que vous avez enterré ce matin ? Je vous ai dit, monsieur Ribaudier, c'est les Varrod. Je connais pas. Jane Varrod, le corbeau de Vourlan. De toute façon, on était de la poussière, on redeviendra de la poussière, alors franchement, c'est quoi qu'on a perdu ? Rien. Ah ben, rien. On n'a rien perdu. Ah, j'ai du pain. Ah, il flaire bon, ce morbier. C'est tous les arômes de la région qui sont emprisonnés là-dedans. Le Lévitique ? Vous lisez le Lévitique, monsieur Ribaudier ? Parfois, mon père. Je vais pas aller voir le diable, moi. Bon, il faut que je vous montre un passage. Ah oui ? C'est au chapitre 24. Ah, si un homme blesse son prochain. Vous connaissez ? C'est le passage le plus célèbre. Et après, ça fait quoi ? Chapitre 24, vers 13. L'Éternel parla à Moïse et dit, si un homme blesse son prochain... Si un homme blesse son prochain, comme il a fait, on lui fera. Fracture pour fracture, œil pour œil, dent pour dent. Tel le dommage que l'on inflige à un homme. Tel celui que l'on subit. Il ne faut pas vous mettre dans tous ces états, monsieur Ribaudier. C'est que ça m'émeut beaucoup. Je dois l'apprendre par cœur. Vous me faites réciter. Si vous voulez. L'Éternel parla à Moïse et dit, si un homme blesse son prochain, comme il a fait, on lui fera. Comme il a fait, on lui fera. Fracture pour fracture. Fracture pour fracture. Œil pour œil. Œil pour œil. Dent pour dent. Pour dent. Tel le dommage que l'on inflige à un homme, tel celui que l'on subit. Tel le dommage que l'on inflige à un homme, tel celui que l'on subit. Alors, reprenez-vous, monsieur Ribaudier. Par cœur. Par cœur que j'apprendrai. Par cœur, jusqu'à ce qu'il arrête de battre. À suivre.